France Culture, il est 16h. Tout de suite, Continent Science, Stéphane Delisgeorge. J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité. En ouverture de tous les rendez-vous scientifiques, tous les jours, à 16h, nous ouvrons la semaine, bien sûr, comme à notre habitude, toujours en direct du studio numéro 1, de la maison de la radio, de la maison ronde. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, à notre sommaire, une question qui est comme une affirmation, en tout cas, pour le livre qui provoque la chose. Il s'agit de L'impossible dialogue, c'est signé Yves Gingras, que nous avions déjà reçu à ce même micro pour parler de l'indexation des citations et quelques bizarreries dans l'évaluation des recherches scientifiques. Cette fois, c'est tout autre chose. L'impossible dialogue, lequel, entre les sciences et les religions. Science et religion, bien sûr, au pluriel. Et nous allons voir donc si le dialogue est vraiment impossible. Mais nous n'allons pas perdre nos habitudes et tout de suite, la petite chronique animalière. Cette chronique animalière, aujourd'hui, je retiens l'oursin, enfin l'un des oursins plus exactement. C'est son nom précis, son nom de science, c'est Strongylo centrotus purpuratus. Strongylo centrotus purpuratus. La diversité des organes sensibles à la lumière semble ne pas connaître de limites. Ainsi, l'œil composé des insectes, l'œil camé rullaire, c'est-à-dire composé d'une seule chambre avec cristallin qui est celui des mammifères, ou l'œil à miroir de certains poissons. Ainsi, alors que l'on croyait l'oursin un échinoderme cousin des étoiles de mer dépourvu de photorécepteurs, on a récemment découvert qu'il peut néanmoins se déplacer en fonction de la lumière. Des chercheurs de l'université de Duke ont analysé les modalités de cette perception lumineuse qui reste modeste. Question donc, comment les oursins détectent-ils la lumière ? Tout d'abord, le séquençage du génome de cet oursin, Strongylo centrotus purpuratus, en 2006, a révélé que celui-ci possède 6 gènes d'opsine. Ce sont les protéines qui participent à la détection de la lumière. Ensuite, des travaux ont mis en évidence dans l'endosquelette des oursins. L'endosquelette, c'est la coque quasisphérique qui subsiste après la décomposition de l'animal. Donc, dans l'endosquelette, des filtres étaient là, des filtres polarisants, c'est-à-dire des pigments sensibles à la lumière, ainsi que des lentilles, elles étaient microscopiques, bien sûr. Toutes ces indications, ces adaptations indiquent que le corps entier de l'animal constituerait, en somme, une sorte d'œil, un œil géant. Les biologistes se sont interrogés sur la vision tridimensionnelle des oursins et notamment sur le rôle des épines. Pour ce faire, les chercheurs ont placé 39 oursins au centre d'un aquarium, puis ils ont collé des disques noirs de deux diamètres différents. Le diamètre angulaire sous lequel le disque apparaît à l'animal est égal à soit 6,5 ou à 10 degrés sur l'une des parois. En l'absence de disques ou avec les plus petits, les oursins ne montrent aucune préférence dans leur déplacement. En revanche, en présence de grands disques, les échinodermes se meuvent en direction de l'ombre ou dans le sens opposé. Les biologistes en ont conclu que le plus petit objet détectable par l'oursin devait avoir un diamètre apparent d'au moins 10 degrés, ce qui correspond à 0,2% du champ visuel total. Or, le comportement paradoxal, soit la fuite, soit l'attraction, s'expliquerait par le fait que l'animal, entre guillemets, voit dans l'ombre, qui apparaît à ses yeux, soit un abri, soit un prédateur, sans que l'on sache ce qui motive son choix. En outre, les épines placées perpendiculairement au corps sphérique de l'animal indiqueraient la direction de la lumière en l'obstruant plus ou moins selon l'angle d'incidence. La vision de Strongylo centrotus purpuratus est meilleure que celle d'espèces voisines, par exemple Escherichia lucifer, dont la densité d'épines est, elle, inférieure. Bref, et au final, la vision de notre Strongylo centrotus purpuratus serait équivalente à celle des sublimes nautiles et aussi à celle des lémules. C'est les petites limules, enfin les petites, certaines sont petites, celles qui sont au large du Japon, mais les grosses, elles, sont le long des côtes américaines, et qui sont vraiment des animaux comme fossiles. Des animaux, en tout cas, ces étoiles, ces oursins, pourvu Dieu, bien différenciés. Étonnant, non ? Bonjour Yves Gingras. Bonjour. Le voyage fut bon ? Oui, très bien. Pour venir à nouveau à Paris ? Je précise, puisque je ne l'ai pas fait, que vous êtes professeur à l'Université de Québec à Montréal. Vous êtes sociologue des sciences, on peut dire comme ça, mais vous êtes épistologue, vous avez beaucoup, beaucoup historien des sciences. Vous avez des manières de vous faufiler entre plusieurs questionnements et cette fois, on pourrait peut-être mettre ce dernier ouvrage que vous signez et qui donc est paru aux éditions des Puffs. Cette sentence très connue, mais après tout elle peut nous guider. L'intention de l'écriture sainte est de nous apprendre comment on va au ciel et non pas comment va le ciel. C'est dans une très très longue lettre à la grande-duchesse de Toscane qu'écrivit en 1615 le martyriser Galilée. Je crois que c'est pas mal, hein, comme définition liminaire et comme menu. On peut passer maintenant au détail. Il viendra. Qu'en pensez-vous? Oui, effectivement. C'est un texte extraordinaire parce que ce texte de 1615, au fond, je montre qu'il va être le genre de surmoi des relations entre l'Église et la science, parce que je montre que les papes, tant au 18e qu'au 19e et qu'au 20e siècle, y compris dans tous les débats, font toujours référence à ce moment fondateur qui est la condamnation de Galilée en 1633, qui est la suite directe de sa tentative en 1615 dans la fameuse lettre à la duchesse de se mêler au fond de ce qui ne le regarde pas, c'est-à-dire la théologie, alors que lui, c'est un philosophe et mathématicien du roi. Or, la discipline théologique domine dans les universités et dit que toutes les autres sciences sont au service de la théologie et qu'elles doivent donc obéissance aux théologiens, alors que lui dit dans ça, la théologie a une fonction, ça ne me regarde pas, et moi j'ai une fonction, l'astronomie et la physique, et ce n'est pas aux théologiens à nous dire comment interpréter la nature. Et évidemment, le point de friction, le point central, c'est bien sûr Copernic, qui va modifier ce qui était avant le géocentrisme, pour d'un seul coup faire tourner la Terre sur elle-même et la faire tourner autour du Soleil, le Soleil devenant lui fixe, et nous voilà devant une figure de l'héliocentrisme. Et d'ailleurs, il n'est pas le seul, Galilée a adopté évidemment les positions coperniciennes, puisqu'on trouve le grand Kepler, qui pareil, de la même manière. Alors, vous dites que c'est ce premier procès-là, celui de 1615, qui en fait est celui qui dit tout, hein, celui qui viendra après, où il est franchement condamné, et durement d'ailleurs, n'est qu'une sorte d'affirmation et de répétition. Oui, parce que au fond, vous rappelez que le livre de Copernic paraît en 1543 et oui, ne soulève essentiellement pas de débat. Il sera mis à l'index en 1616, donc si on fait le comptage, plus d'un demi-siècle au fond, après la mort de Copernic. Et pourquoi? Parce que c'est Galilée qui est le propagandiste, en partie d'ailleurs en italien. On peut dire que, bon, tant que les quelques lecteurs de Copernic, qui sont des astronomes et surtout des astrologues, hein, parce qu'il faut rappeler que l'astrologie médicale, les médecins de l'époque avaient besoin de ces choses-là. Donc, ça ne posait pas de problème. D'ailleurs, hein? Il était astrologue aussi, bien sûr. Aussi. Et c'est Galilée qui lance le problème, à tel point que même Kepler reproche à Galilée de s'être mêlé de théologie. Et que si Galilée s'en était tenu à l'astronomie, Kepler dit, bon, peut-être que les théologiens nous auraient laissés tranquilles. Ah, il y a un point, oui. Et donc, vraiment, c'est une critique non nommée. Et ça, c'est très important. La relation de Kepler et de Galilée est intéressante parce que Galilée ne mentionne jamais le nom de Kepler, qui est un luthérien. Et donc, au fond, un hérétique. Et donc, il ne mentionne jamais, alors que Kepler est celui qui, même avant Galilée, en 1609, dit la même chose que ce que Galilée va écrire en 1615 à la duchesse. Donc, il y a une convergence chez les astronomes, et c'est Galilée qui a le courage, il faut bien le dire, d'écrire ces genres de choses-là de façon naïve, en pensant que on va comprendre son point de vue. Oui. Et là, c'est sous-estimer la hiérarchie des disciplines. Alors évidemment, ce point-là est un événement historique très très important, puisque de toute façon, et d'une certaine manière, ça va filer la trouille à tout le monde, hein, à commencer par Descartes, qui publiera pas son grand œuvre sur donc l'histoire de la Terre. Hein, le monde. Et le monde, ouais. C'est ça. Mais vous indiquez très rapidement, Yves Gingras, ça commence très tôt. On a l'impression que ça commence avec Galilée, plus exactement avec la condamnation à mort, cette fois brûlée sur le Campo dei Fiori en février 1600 de Giordano Bruno, qui lui était pour une pluralité des mondes et qui lui aussi était copernicien, bien sûr. Ça commence très tôt. Ça commence carrément à l'époque médiévale. 1272, l'évêque de Paris, Étienne Templier, promulgue de nouveaux statuts pour la faculté. Et là, il fait une liste invraisemblable de... 219, dites-vous. 219, alors. Où je me suis trompé. Oui. Proposition considérée comme hérétique. Donc là, il affirme de façon extrêmement violente, policière, la prééminence de la théologie sur l'enseignement, de ce qu'on appelle la philosophie naturelle. Hein? Oui, et ça, au fond... La thèse du livre, parce qu'il y a beaucoup de travaux, on me dit, bon, il y a énormément de livres sur les rapports sciences et religion, mais ma thèse forte, c'est de dire que la plupart de ces livres-là ont une vision très individualiste des conflits, alors qu'il faut comprendre, d'où le chapitre 1, sur les limites de l'autonomie de la science par rapport à la théologie. La condamnation de Templier en 1277, c'est une réaffirmation à l'orée même des universités. Parce qu'au fond, il faut rappeler qu'au 13e siècle, c'est le début des universités qui redécouvrent la philosophie naturelle d'Aristote, qui est bien sûr, par définition, une physique qui est païenne. Donc, le monde est éternel depuis toujours. Et on interdit l'enseignement à la faculté des arts de la physique et de la cosmologie d'Aristote parce qu'elle est incompatible avec l'enseignement de la faculté de théologie. C'est ça, il est païen. C'est un philosophe païen. Et donc, ce rapport-là est très important parce qu'il nous fait comprendre que 5 siècles plus tard, en 1798, le fameux texte de Kant sur le conflit des facultés, oui. Ce n'est pas un conflit sur les facultés jugées dont il parle ni de la raison pure, c'est le conflit des facultés universitaires, où même Kant réclame encore, face à la théologie, l'autonomie de la faculté de philosophie, qui, elle, doit, de façon critique, analyser tous les dogmes, y compris les dogmes considérés comme sacrés du point de vue du théologien. Mais Kant dit, du point de vue du philosophe, on a droit de poser toutes les questions sans aucune exception, indépendamment de ce qu'en pense la faculté de théologie. Donc, ce conflit des facultés qui est né au 13e siècle va perdurer jusqu'à la fin du 18e siècle et qui explique le texte de Kant. Oui, c'est ça, c'est son dernier texte. Exactement. Mais on trouve la même disposition, d'ailleurs, de revendication, mais là, de l'enquête, qui est une des lignes fortes de son ouvrage sur l'histoire du ciel, la théorie du ciel de Kant, où on voit évidemment que il réaffirme qu'il faut arrêter, c'est un newtonien convaincu, voilà. Même si Newton est bien sûr, lui, un fervent croyant, mais dans cette position-là, d'ailleurs, c'est assez étonnant parce qu'il y a une espèce de contraste, c'est-à-dire qu'il y a une double face pour en finir avec Kant, qui d'ailleurs sera à l'index pour la critique bien de sûr. La raison pure. Hein, ça, on va commencer la liste de tous ceux qui sont jusqu'au 20e siècle ont été mis à l'index et elle est absolument faramineuse, invraisemblable et totalement ridicule. Passons. En tout cas, pour revenir à Kant, dans l'histoire, dans la théorie du ciel, évidemment, il va lentement sur des positions coperniciennes et il s'embarrasse pas de dire que c'est sous l'hypothèse copernicienne. Bien évidemment, il est intégralement newtonien et à la fin de la critique de la raison pure, en revanche, là, soumis à la moulinette de la posture critique et de l'évaluation de notre qualité, d'où ce que l'on peut prendre dans notre propre croyance, pour les apories de la critique de la raison pure, voilà. Eh bien, il y a la question suspendue, puisqu'elle est aporétique, hein, sans conclusion. Mm-hmm. L'univers a-t-il un commencement? Ou une pas fin. Exactement. Une fin. C'est les apories de la raison. L'univers est-il fini ou infini? C'est ça, le temps a-t-il commencé ou pas? C'est au-delà de la limite de la raison. C'est ça. Et les paradoxes viennent de la mauvaise application de la raison. Alors, puisqu'il faut avancer rapidement, puisque votre information est lourde et longue et importante, évidemment, pour nous donner un petit repère, ce qui va jouer, donc, c'est le fonctionnement et la revendication d'une autonomie à part entière de ce qu'on peut dire du questionnement sous l'instrument humain de la raison. Et donc, bien évidemment, dans ce cas-là, on va rencontrer, ça va perdurer quand on est sous, évidemment, la possession de l'outil de la raison. On va éviter toute explication surnaturelle, on va éviter toute explication finaliste, on va pas raconter que si y a une mer salée, c'est que Dieu a voulu que les petits humains à son image soient nécessiteux d'avoir de l'eau salée pour pouvoir survivre. On va retrouver, c'est presque constant, hein, on va retrouver ça même dans le design. Et ça, le fondement, c'est l'idée du principe de naturalisme méthodologique. C'est ça. Et au fond, j'ai tout un chapitre pour montrer que ce naturalisme méthodologique que nous, bien sûr, aujourd'hui, on prend pour acquis, a une histoire, et c'est une histoire perturbée. Et que donc, Galilée, dès le dialogue sur les deux grands systèmes du monde, on cite très rarement les bouts où il dit « on ne peut pas invoquer les miracles pour expliquer que la Terre tourne ». Parce que les miracles, ça ne fait pas partie de la nature. Il faut se contenter des éléments qui sont dans la nature. Et plus tard, en 1671, Jacques Rouault, qui est un cartésien convaincu, qui fait d'ailleurs le premier traité de physique cartésienne, qui va d'ailleurs être le manuel de physique de tous les étudiants, y compris de Newton. Et donc, il dit dans ça, moi, dans mon livre de physique, je me contente de ce qui est dans la nature et je laisse aux théologiens le soin de dire l'état surnaturel. Donc, il crée l'autonomie de la physique, toujours par rapport à la théologie. Fait que la plupart des travaux, à mon avis, ont sous-estimé ce caractère structurel que les physiciens, y compris Buffon, au 18e, ensuite y compris Lyell, au début du 19e siècle, avec la théorie de la Terre, avec ses éléments de géologie, vont toujours dire, nous, on se contente du monde naturel. Le déluge est un événement surnaturel, mais qui a laissé la Terre intacte. Donc, nous, en géologie, on ne s'occupe pas du déluge. C'est une forme très brillante de se débarrasser d'un problème théologique, le déluge, pour se dire, oui, il y a eu un déluge, ça, c'est Dieu qui l'a décidé, les théologiens en discutent, mais nous, dans la nature, on n'a pas besoin de déluge. Et donc, il y a des conséquences énormes. Par exemple, l'uniformitarisme de la grande querelle rend impossible une explication surnaturelle. Ce sont les mêmes forces qui sont toujours à l'œuvre. Alors que le catastrophisme avait aussi, à la rendu vie, d'ailleurs aussi. Possible le déluge. Donc, c'est très long, cette demande de naturalisme. France Culture, Continent Science. Stéphane Delisgeorges. Alors, pour fixer les choses, parce que, autant bien comprendre, c'est le pape Paul III qui crée en 1542, c'est pour apporter la précision sur l'organisation et la structure hein, de ce qui va s'appeler le tribunal de l'Inquisition. Donc c'est à cette date de 1542, dans une réaction évidemment forte contre les parpaillots, contre les réformistes, contre les protestants. Les protestants. Voilà. Qui donc installe ce tribunal de l'Inquisition. Il doit donc, il demande à tous les représentants locaux de cette institution de recueillir, donc c'est vraiment un système de délation permanent, de recueillir les témoignages de quelqu'un qui dirait, celui-ci qui habite en face de chez moi, il est pour Copernic, tiens, on va peut-être... Et évidemment, ensuite, c'est envoyé pour le travail de l'enquête à l'autre partie de l'autre structure. La congrégation de l'index, qu'elle est mise en place en 1572, donc beaucoup plus tard, parce que c'est lié, bien sûr, à la diffusion de l'imprimerie. Oui. Les livres deviennent très importants à la fin du 17e siècle, et donc on se dit, mais là, il faut s'assurer que tous les livres aient un imprimatur, et l'index va, lui, dire lesquels ne peuvent pas être imprimés ou doivent être condamnés. Et le 5 mars 1616, donc il y a presque exactement 400 ans, d'ailleurs, mon livre est paru en mars 2016. Vous l'avez fait exprès? Oui, j'ai fait exprès. J'ai retardé la publication pour que ce soit le 400e anniversaire de la condamnation du livre de Copernic qui lance tout le conflit entre la science et la religion, qui était un peu absent avant pour des raisons aussi institutionnelles. La science n'étant pas institutionnalisée par des sociétés savantes, la Société royale, l'Academia de Lincei. Donc, il n'y avait pas vraiment un discours structuré sur le conflit, mais qui devient très important et récurrent à partir de 1633 jusqu'à nos jours. Oui. Alors, il y a une chose, par exemple, étonnante, qui est assez peu connue, c'est que lorsque les Français envoient pour la mesure de la méridienne une équipe de scientifiques pour donc faire des mesures en Amérique du Sud, ils sont évidemment obligés d'être accompagnés par deux officiers de la cour d'Espagne, hein, puisque c'est une dépendance espagnole où sont faites ces mesures. Et à chaque fois, ils sont contraints de signifié par écrit au début de leur relevé sous l'hypothèse copernicienne. Et ça, c'est très important parce c'est que incroyable. C'est ce que j'appelle l'épistémologie catholique. C'est que sur le plan du catholique, Dieu est omnipuissant. Donc, l'homme qui est fini ne peut pas prétendre connaître la réalité. Et tout le débat autour de Galilée, y compris jusqu'à Buffon, y compris très tard au 19e siècle, c'est que, et même aujourd'hui, hein, vous savez qu'un grand philosophe comme Pierre Duhem, qui est un philosophe catholique, est empiriste. Pourquoi il est nominaliste? Parce que ça permet de dire on ne connaît pas la réalité, on sauve les phénomènes. Hein, ouais. Le fameux « sauver les phénomènes » qui était la thèse de Duhem cache derrière ça une croyance que seul Dieu connaît la réalité et que au 17e siècle, on dit « Dieu a pu faire que le ciel tourne au lieu de la terre, même si ça nous paraît un peu bizarre, et que c'est plus simple de faire tourner la terre. Dieu, dans sa puissance infinie, le sait. » Et donc, nous, on ne peut faire que comme si. Et donc, Buffon, dans sa théorie de la Terre, dans sa théorie de la formation du système solaire, va faire comme si, parce qu'il va avoir été mis à l'indé... On lui reproche de censurer son livre en 1749, et il répond en se rétractant que son histoire n'est qu'une hypothèse. Donc, cette idée d'hypothèse, qui commence avec Bellarmine, survit jusqu'au 19e siècle. Et puis ça va durer aussi parce qu'il y a un autre problème qui court et qui a fait l'objet de l'ouvrage de Pietro Rondondi. Bien c'est sûr. Évidemment la question de l'atomisme et qui pose là de façon frontale la question de savoir si on doit prendre les écritures de façon littérale ou au contraire comme, donc strictement littérale, ou au contraire comme on doit les, ou alors de les interpréter de façon métaphorique. Or, à l'intérieur de l'hostie, qu'y a-t-il ? Eh bien, pour ceux qui sont pour la transsubstantiation, il y a vraiment des atomes du sang du Christ. Exactement. Et ce qui était sur le plan. Et ça va durer jusqu'au 19e, cette histoire. Non, je dirais que ça dure jusqu'aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Parce que le dogme de la transsubstantiation est vraiment un dogme. Et d'ailleurs, en 1950, je rappelle une intervention du pape qui rappelle que la notion de substance doit être la notion de substance thomiste. Pourquoi? Parce que c'est la seule notion de substance des qualités primaires et secondes qui rend rationnelle la transsubstantiation, alors que l'atomisme de Galilée rend impossible la transsubstantiation. Et c'est pour cette raison-là que Descartes ne se dit jamais atomiste. Descartes se dit corpusculariste. Mais tous les lecteurs qui voient le mot corpuscule dans Descartes disent atome. Et donc Descartes se fâche et dit non, je ne suis pas atomiste. Mais pourquoi? Parce que Descartes a peur des conséquences théologiques. Quelques instants maintenant, mais il faut qu'on avance, Yves Gingras, pour cette histoire-là. Qu'est-ce qui se passe avec la réhabilitation de Galilée ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Elle est franche, elle est bon. Il y a évidemment Galilée au milieu de Vatican II. Hein, et là, l'importance et le rôle de, vous le soulignez dans votre ouvrage, de Dominique Dubarle, qui est dominicain, pour qui il y a un statut de savant qu'il faut respecter et qui doit, et il l'appelle de tous ses voeux, garantir absolument, et donc là c'est une revendication d'autonomie de la recherche, une liberté de recherche, et quelle que soit la spécialité scientifique dans cette... évidemment, lui, il appelle pour une réhabilitation franche et ferme de Galilée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'alors que Vatican II était un air frais dans la curie romaine et les conservateurs, ils ont perdu. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas voulu, en 64, réhabiliter clairement Galilée pour les mêmes raisons que Riccioli, l'astronome jésuite de 1650, disait déjà, que si on commence à admettre une erreur, il y aura ce qu'on pourrait appeler, nous, un effet domino. C'est que s'il y a une erreur pour telle lecture, pourquoi pas sur telle autre et telle autre, et ça va aller jusqu'au dogme de la transsubstantiation. Donc, Riccioli disait en 1651, il faut pas admettre la lecture métaphorique de la Bible telle que le demande Galilée, parce qu'après ça, il y aura plus de limite. Et donc, il faut attendre 1992 avec Jean-Paul II, qui, sur le plan stratégique, veut se réhabiliter auprès de la communauté scientifique, qui depuis 3 siècles, donc c'est le chapitre que j'appelle « Deux épines au pied des papes », une allitération qui nous permet de suivre les papes sur 3 siècles, et c'est lui qui réhabilite, mais pas complètement, parce que c'est le cardinal Poupart qui, lui, stratège, tente de sauver la chèvre et le chou en disant qu'au fond, Bellarmine est un meilleur épistémologue que Galilée, mais que Galilée est un meilleur théologien que Bellarmine. Fait que vous voyez cette dialectique assez classique des thomistes. Oui, oui. Et puis pour l'avoir rencontré, le cardinal Poupart, à l'Académie des sciences pontificales, sise au Vatican, à Rome, il y avait aussi le propos que, bon, il a un petit peu cherché, il était insolent quand même. C'est voilà, vrai qu'il avait beaucoup d'insolence. Et ça, c'est une très jolie psychologique, phrase. Ça, ouais. Vous avez une très jolie phrase qui est la suivante. Tout finit par la formule dans la constitution pastorale sur l'Église dans le monde moderne qui définit la juste autonomie des réalités terrestres. Et là, vous dites, contorsion dont les scribes de la bureaucratie vaticane sont capables pour éviter de dire clairement une chose tout en la suggérant subtilement de façon à pouvoir prétendre plus tard que ce que l'on exige a déjà été accordé. Et ça, c'est une stratégie très très claire. Bien écrit, ça. Bien Vatican. Envoyé. Hein, Et donc, comme je dis, les transformations sur trois siècles du Vatican, ça avance à des lenteurs géologiques. Donc, il faut accélérer le temps pour comprendre que ça avance tranquillement. Mais ça avance sur une échelle de temps différente. C'est pour ça qu'on dit l'Église est statique. Non, elle est dynamique, mais il faut accélérer le film pour voir le mouvement. Ça a pris 300 ans à réhabiliter Galilée parce que les conservateurs dans la Curie romaine ont toujours eu gain de cause par des artefacts très subtils que je décris dans le livre et qui seraient trop longs de rappeler, mais qui peuvent aller jusqu'en note de bas de page. Mettre dans une note de bas de page un livre qui dit « Voir la vie de Galilée du père X », c'est une façon pour eux de dire « Ben voyez-vous, on l'a réhabilité ». Est-ce qu'on ne peut pas dire que toute religion institutionnalisée, c'est une petite insiste que je m'autorise, il viendra, a un fonctionnement inquisitorial aussi, parce que, bien évidemment, il y a un tel conflit permanent entre ce qu'on va voir dans plus de détails, la méthodologie naturaliste de la science, et évidemment les affirmations des textes révélés, puisque en particulier dans l'islam, c'est Dieu qui a dicté, comme c'était une dictée à la fin de la journée de classe, donc le livre sacré. La Torah aussi, toute lecture oui. fondamentaliste. Au fond, les trois grandes religions monothéistes fondées sur un texte qui permet ensuite une lecture littérale, dont le catholicisme, faut quand même lui donner cela, est sorti depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ça lui a pris du temps. J'ai tout un chapitre sur l'historicisation de la Bible. On peut dire que les autres religions monothéistes dont le texte est soit inspiré par Dieu, donc on peut jouer, mais s'il est dicté par Dieu, la marge de manœuvre est plus faible parce que Dieu ne peut pas se contredire. Et donc, effectivement, et je donne des exemples dans tous les cas, y compris en Israël aujourd'hui, les fondamentalistes hassidim qui interdisent des recherches des anthropologues sur tout ce qui est les corps humains de plus de l'Antiquité parce que le corps humain étant sacré, on ne doit pas désacralisé. Ouais. Et on retrouve la même logique aujourd'hui sur la spiritualité autochtone qui ouais. considère qu'il faut réenterrer tous les ossements de 9000 et 12000 ans. Ça, c'est ce que vous abordez à la fin de l'ouvrage. Ouais. Mais avant, c'est la même logique. Mais bien sûr. Mais ce qu'on peut retenir aussi, c'est que à tous les instants, en particulier lorsqu'est fondée la Royal Society, qui est le pendant de l'Académie des sciences en France, il va y avoir la volonté quand même d'assurer l'autonomie. Il y a quand même une sorte de combat permanent pour obtenir une sorte d'autonomie et de liberté des recherches. Bien sûr, on peut le constater, ce qui est aussi le fait de certains des savants qui constituent et qui donc instituent l'Académie des sciences en France. Ouais, et ça, c'est très important parce que dans la plupart des débats sur les rapports sciences et religions chez les historiens, il y a une confusion sur laquelle j'insiste, c'est qu'on confond l'individu, qui est bien sûr au 17e siècle, tous les individus sont croyants. Galilée est un bon catholique. Newton, Kepler est un illuminé qui voit Dieu partout. Et il confond donc la vision individuelle et l'institution. La science, c'est une institution collective, c'est une communauté, c'est un champ. Et la connaissance véritable n'est pas celle de l'individu, mais celle qui est filtrée par la communauté scientifique. C'est tellement vrai que les Principia de Newton, qui sont considérés, au fond, lui, comme une démonstration de l'existence de Dieu, se fait répondre par Leibniz que son livre mène à l'athéisme, pour la raison très simple que s'il y a des lois de la nature, Dieu est rejeté, comme je le dis dans mon livre, à la périphérie. Et donc, Newton est scandalisé de se faire dire que son livre mène à l'athéisme, mais Leibniz a raison. Parce que s'il y a des lois, Dieu reste à la périphérie et il n'intervient plus. D'où la citation très belle hein, qui ouvre le livre de Durkheim, oui. hein, qui dit très clairement qu'au fond, peu à peu, les fonctions politiques, économiques, scientifiques s'affranchissent des fonctions religieuses qui se constituent à part et prennent un caractère autonome. Donc, même même Durkheim décrivait de façon synthétique ce que moi je montre en 400 pages, le processus long d'autonomisation de la science qui, pour ne pas se mêler de religion, dit « je me limite à la nature et je laisse aux croyants et à la théologie de parler de la surnature ». Mais c'est ça. Et cela dit, pour rester juste un instant sur Newton, dans la deuxième édition des Principia Mathematica, il a un scoli final, voilà. Où là il arrange les choses, c'est-à-dire que ça apparaît tellement, et c'est la réaction de Leibniz, qui lui, par ailleurs, est pour un dieu tout à fait logicien, qui trie les possibles et qui fait coopérer voilà. Les compossibles entre eux. Enfin bref, en tout cas dans le scoli de Newton, il y a cette espèce de petit coup de pouce. Oui, exactement. Parce qu'il croyait que le système est instable. Or, c'est Laplace qui va découvrir que si on regarde les équations correctement, le système, effectivement, est relativement stable. Il n'y a plus besoin de la chicnode à chaque quelques milliers d'années que lui croyait. Donc, la science a avancé. Et d'ailleurs, ça veut dire que dans les Principia, la deuxième édition, on a ce qu'on peut appeler « the God of the gap », le Dieu bouche-trou. Dieu intervient dans la nature chez Newton pour relancer le système. On peut peut-être, à ce moment-là, se souvenir que il était alchimiste, hein, aussi. Petite information, hein. C'est-à-dire qu'il a. Oui, on est au XVIIe siècle, hein. On n'a pas la séparation d'aujourd'hui entre astronomie, astrologie. Il faut pas faire de Newton un contemporain, mais Newton, et je le cite, faisait la différence entre la philosophie de la nature, qui est naturaliste, et la théologie et la religion. Il travaillait sur les trois. Ben voilà, c'est une musique de Rossini, mais par antiphrase, d'une certaine manière, hein, Kyrie Eleison. On va dire que, on pourra peut-être reprendre, d'ailleurs, les gens disent, certains croyants disent, quand j'écoute Bach, c'est évident qu'il y a quelque chose. Mmh. Or, on peut tout à fait dire que Dieu a eu beaucoup de chance d'avoir Bach, parce que ça a été un sacré avocat pour certaines fabulations. Mais, c'est notre avis personnel, passons. Alors, revenons, sautons plutôt l'époque darwinienne, la période darwinienne, la révolution qui fait que là, vraiment, l'homme va devenir un enfant de la Terre, avec une généalogie, et que nous sommes pas des cousins des singes, nous sommes vraiment des primates, comme ceux qui nous accompagnent, des primates supérieurs. Je vous propose d'abord de signaler que déjà son grand-père, qui s'appelait Erasmus Darwin, et pour son ouvrage Zoomania de 1794, qui sera assez vite traduit en français, pof, il passe à l'index, si je puis dire. Il est à l'index. Alors qu'on n'a pas mis, on n'a jamais mis le livre de Darwin à l'index sur l'origine des espèces. Et tous les défenseurs du dialogue science-religion disent toujours, tu vois, on n'a pas condamné le darwinisme. Mais c'est une pure rhétorique parce que je montre un très grand nombre de livres dont un s'appelle « Le darwinisme », qui a été publié en France en 1978, qui lui est à l'index. Donc, ils n'ont pas osé mettre Darwin à l'index parce que ça leur a été recréer un moment Galilée. Oui. Et on ne voulait pas ça. Alors, Ernest Renan, voilà, parce qu'on peut faire aussi une filiation. Le premier à regarder de manière méthodologiquement historique, la religion, on peut mettre comme maître fondateur Spinoza avec son traité théologico-politique où il veut savoir quelles sont les vérités de fait dans toutes ces histoires. Donc évidemment, en plus avec la philosophie déployée avec son distinguo nature-naturante, nature-naturée, on voit bien très bien que ça va être la bête noire, puisque ça va être une sorte de, comment dire, c'est un panthéiste délibéré et affirmé, donc l'affaire est conclue. Ernest Renan, alors lui, avec sa vie de Jésus, il est professeur au Collège de France, hein. Il est à la charge de l'histoire des religions. Et vous savez que quand il fait sa conférence inaugurale, sa chaire est fermée. Oui. En réaction justement à sa vision complètement naturaliste de Jésus, mais qui reprend, il faut dire, de Strauss, hein, qui avait fait la première vie de Jésus en 1835, qui a été mise à l'index aussi immédiatement, qui était une vision naturaliste. Et là, c'est là qu'on voit qu'au 19e siècle, le naturalisme qui débute en astronomie, qui se retrouve en géologie, puis qui se retrouve chez Darwin, s'applique ensuite à l'histoire des sociétés, où on ne peut plus admettre un miracle comme un événement social. Est-ce qu'on peut dire que Jeanne d'Arc a fait ce qu'elle a fait parce que Dieu est intervenu? On voit bien que c'est complètement absurde. Donc, la naturalisation de l'histoire, c'est ce que fait Renan, et ça fait scandale. Tous ses livres, bien sûr, comme vous le savez, vont être à l'index, mais même son successeur, qui a suivi des cours de Renan, qui est Alfred Loisy, qui est lui-même un joli prêtre, portrait de lui. Oui. Qui est lui-même un prêtre, mais qui, non seulement va être mis à l'index, mais lui, comme il est prêtre, il va être excommunié. Et la réaction... Il va être excommunié. Oui, exactement, en 1908. Vous dites, hein, vous précisez, en 1903, cinq de ses ouvrages... Sont à l'index. C'est un avertissement, mais comme il continue... C'est Pie X, hein, là, qui fait... Oui. Qui est le patron en chef de l'Inquisition, dans ce cas-là. En 1903, mais comme il continue et qu'il comprend pas, on le excommunie. Oui. Et là, tous les intellectuels rationalistes français lui donnent une chaire en 1909... d'histoire des religions au Collège de France, qui est la réaction de dire la science peut continuer au Collège de France si elle ne peut pas se faire dans le monde catholique. Oui. Et là, la formule, c'est la science des religions n'est pas une religion. Exactement. Et ça, c'est dans sa leçon inaugurale au Collège de France en 1909. C'est d'ailleurs curieux de découvrir que, par exemple, Henri Bergson va être aussi à l'index. Oui, parce que l'évolution de la bureaucratie vaticane. Oui, elle est énorme, parce que même son collègue qui va être son successeur, Leroy, qui écrit sur une forme d'évolutionnisme. Édouard Leroy. Philosophe, oui. Qui écrit sur une forme d'évolutionnisme spiritualiste, qui est ami de Teilhard de Chardin, qui lui aussi va être mis au silence, et de l'abbé Breuil. Oui. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans 1936-1937, tous ces gens-là, au moment où le pape veut montrer qu'il s'intéresse davantage aux sciences et qu'il crée l'Académie pontificale des sciences, il demande à ses scribes de lui fournir une liste de membres potentiels de sa nouvelle académie. Il lance une enquête un peu inquisitoriale et on a la liste des noms et on dit l'abbé Breuil, c'est peut-être pas une bonne idée de le nommer, Théard de Chardin non plus, de sorte que les plus savants, les plus renommés qui auraient dû être à l'Académie pontificale sont rayés de la liste. Et on crée l'Académie pontificale des sciences pour dire qu'on est pour la science. Fait qu'il y a un paradoxe absolument extraordinaire. Oui, absolument. En tout cas, c'est là où vous avez votre jolie formule, où vous parlez donc du tempo géologique. Oui, c'est ça. Alors, vous avez aussi un distinguo très très fort pour dire que oui, il y a vraiment, alors que la chose était un petit peu édulcorée, il y a vraiment une histoire des conflits entre la science et la religion. Et qu'il n'y a pas une espèce de tableau complètement iréniste, de bon accord. Non, il y a des conflits forts et ils forment une histoire entre, disons, la pensée libre et la pensée théologique. Ouais. Et qu'il y a une vision qu'on peut, du moins c'est ce que je tente de démontrer, qui est cohérente, alors que ce livre-là, au fond, va aussi, de sur le plan théorique, contre 20-50 travaux anglo-saxons qui mettent l'accent sur le caractère contingent de ces conflits, sans comprendre que si on touche à la Terre, on touche à la Bible. Et donc, on touche au fondamentalisme. Donc, au contraire, le conflit est inévitable. C'est tellement vrai que je cite énormément Darwin, qui sait très bien, quelques mois avant l'apparition de son livre, il a peur de la réaction. Parce que bien que le mot « homme » n'apparaît pas dans l'évolution des espèces, tout le monde comprend que si ça s'applique aux animaux, tout le monde comprend que ça s'applique aux hommes. Donc, il y a une véritable histoire. On peut même faire une histoire quantitative conflits. Je vous propose d'ailleurs d'y passer, parce que là, il y a deux courbes. Hein, c'est-à-dire donc les références faites dans tous les écrits, des termes sciences, français des termes religion. Donc il y a des courbes qui sont divergentes et à un moment il y a un point de convergence. En Angleterre, le premier et en 1930-1935 environ, ce qui est assez intéressant, alors qu'en France, le point de convergence, donc d'équilibre entre les deux termes, oui, est en 1880. Donc le rationalisme, le positivisme français passé par là au milieu du 19e siècle. Renan, Auguste Comte. Alors oui. Faut pas oublier que dans le monde anglo-saxon, britannique, mais aussi américain, faut pas oublier que la multiplication des sectes protestantes qui sont multiples fait que le discours sur la religion reste plus longtemps supérieur en fréquence relative que le discours sur la science. Oui. Et on voit ensuite décliner, bien sûr, la religion comparée à la science, mais on la voit remonter à partir des années 80, ce qui était le point de départ de mon livre. La rhétorique du dialogue science et religion est réapparue soudainement dans le monde à partir des années 80, et c'est ce que j'ai tenté d'expliquer par l'intervention du pape pour redorer le catholicisme en réhabilitant Galilée, mais aussi par des activités de groupes de pression, oui, et aussi d'une fondation très connue, on va la voir. Donc, on voit par des courbes objectivantes que la fréquence relative des discours évolue beaucoup dans le temps, avec un pic aux États-Unis, dans le monde anglo-saxon, dans les années 1870. C'est oui. Le premier grand conflit avec les livres de Draper et White. Ça s'appelle « La guerre entre la science et la religion ». Donc, le mot est à fort, « The warfare between science and theology ». Et ensuite, en 1939, avec le livre de Bertrand Russell, « Science and Religion », suite à une série de débats à la BBC en Angleterre. Donc, on voit les scansions, au fond, oui, des retours, des conflits ou les accalmies à partir des années 60. Bon, il n'y a plus personne qui s'intéresse à la question du concordisme entre la science et la religion, qui est abandonnée par l'Église catholique au 20e siècle, entre autres grâce à l'abbé Lemaître, qui tout en étant un peu l'inventeur du Big Bang et de l'expansion, dit « Ne mélangeons pas le fiat lux biblique avec la théorie du Big Bang. » C'est ça. Qui est une théorie qui découle de la relativité d'Einstein et qui n'a rien à voir avec la théologie. Et il ne voulait absolument pas que le pape se serve de la physique pour fonder une forme de concordisme simpliste qui se retrouve toujours faux quelques décennies plus tard. Oui, parce que dès qu'il a été établi qu'il y avait effectivement un point de naissance de l'univers, qu'il y avait un Big Bang, qu'il y avait une concentration totale de l'énergie dans des proportions absolument gigantesques, infinies, eh bien là, évidemment, l'analogie était facile. Ah ben voilà, c'est la transcription, cette fois en termes de Mève ou de Gève, plus exactement, de la création du monde par Dieu. Et là, le maître a été d'une fermeté terrible. On ne mélange pas les genres, s'il vous plaît, alors qu'il était abbé et chanoine. Excellent. Et donc, ça, c'est très, très fort, cette idée de ne pas aller vers un concordisme, alors que ce qui est très intéressant, on voit depuis les années 80, avec le montée d'une certaine vision fondamentaliste islamiste, un retour du concordisme, mais entre l'islam et la science. Il y a un livre qui est paru récemment, qui s'appelle « L'islam et la science », qui veut montrer qu'on peut mettre ensemble. Il y a un livre, d'ailleurs, très célèbre, qui se vend millions d'exemplaires, de Bucaï, sur l'islam, la Bible et la science, qui montre que tout est dans la Bible et que surtout, tout est dans le Coran. La mécanique quantique est dans le Coran. Et ça, c'est un courant qui, dans le monde catholique, est disparu depuis 50 ans. Alors, on voit une espèce de... Mais là, on anticipe parce qu'il faudra évidemment passer par la fondation Templeton qui montre beaucoup de choses. Mais on voit très bien une espèce d'alliance objective et curieuse entre le fondamentalisme religieux chrétien et le fondamentalisme religieux islamique. Alors, il y a une petite variante, c'est-à-dire que les créationnistes islamistes, ils se sont fait une petite spécialité, ils discutent eux beaucoup aussi la géologie, c'est-à-dire qu'ils disent la sédimentation, la mesure des âges par sédimentation, l'âge des êtres. Évidemment, ça bouge le calendrier. Hein, donc, ça n'est pas fond, c'est pas bon, c'est même tout faux. Oui. Et en particulier, le gros ouvrage d'un Turc fondamentaliste qui a été envoyé à tous les universitaires Yaoun français. Yaya. Ouais. Voilà. Yaoun Yaya. Oui. Qui est un nom de plume, là, c'est pas son vrai nom. Oui. Discute beaucoup des questions géologiques. Donc, on voit que... Et ça remet en cause le carbone 14. Et ça, c'est débuté chez les évangélistes aussi, qui remettaient en cause la datation du Saint-Suaire de Turin. Parce que vous savez que le Suaire de Turin a été daté au carbone comme datant d'environ 1350. Oui. Et donc, pour détruire ça, il faut dire que le carbone 14 ne s'applique pas. D'ailleurs, au passage, on peut peut-être faire référence à une émission précédente où Henri Brock avait rappelé que, en particulier, l'ampoule de San Gennaro de Naples, on a très bien expliqué avec la physique nouvelle que, évidemment, d'un seul coup, de se solidifier, le sang se met à couler à une certaine époque avec une certaine pression, ainsi de suite. Donc là, le Deus ex machina exit. On peut peut-être passer à votre position de principe après que vous développez, hein. En particulier, vous mobilisez Renan Yves Gingras. Il est évident que le problème prétendu de l'accord de la foi et de la raison, supposant deux puissances égales qu'il s'agit de réconcilier, n'a pas de sens. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve la même position chez le grand évêque catholique, mais qui était anglican avant, qui s'est converti, le cardinal Newman, qui est un esprit très éclairé et qui montrait très bien qu'il n'y a aucun dialogue possible parce que les objets ne sont pas les mêmes. D'où le titre de mon chapitre « Qu'est-ce qu'un dialogue ?» Parce que pour parler de dialogue en sciences et religion, il faudrait d'abord qu'on sache c'est quoi un dialogue. Or, pour qu'il y ait dialogue, comme nous, on a un dialogue, parce qu'on parle de la même chose. Or, même Pierre Duhem, aussi catholique fut-il, il dit très bien qu'il n'y a pas d'objet commun entre la science et la religion, il n'y a pas de dialogue. Donc, Nietzsche dit la même chose. Tous les grands épistémologues ont compris qu'il n'y a pas de dialogue. Donc aujourd'hui, pourquoi certains veulent nous dire qu'il y a un dialogue entre science et religion? Par exemple, l'American Association for the Advancement of Science fait des colloques sur le dialogue science-religion. L'explication, bien sûr, elle n'est pas épistémologique, elle est sociologique. C'est qu'aux États-Unis, les associations américaines ont peur de voir décliner les investissements en R&D gouvernemental lorsque c'est Bush qui est au pouvoir à cause des appuis des évangélistes qui sont contre les recherches sur les cellules souches, parce qu'il faut rappeler que Bush junior, a interdit les recherches subventionnées par le fédéral sur les cellules souches. Et pourquoi? Parce que c'est les sectes fondamentalistes qui agissaient en sous-main pour le convaincre. En réaction, les associations scientifiques font semblant que les scientifiques sont aussi croyants que la population, alors que toutes les statistiques montrent qu'au contraire, ils le sont environ 10 fois moins. Mais la rhétorique dit « parlons dialogue pour ne pas faire peur à une population très fondamentaliste aux États-Unis », il faut le rappeler. Alors, on peut être étonné, avant d'aborder la description quand même de cette institution qui est extraordinairement puissante, extraordinairement prolixe dans ses initiatives, qui est la Fondation Templeton, qui porte le nom donc de son créateur, peut-être rappeler que, en particulier, Nature, mais surtout Science, et en particulier Science à travers donc l'organisme qui publie cette revue, qui comme Nature est l'une des deux revues les plus célèbres au monde de revues scientifiques, qui donne des résultats avérés, a aussi joué le jeu du dialogue entre science et religion. Oui, parce très étonnant. L'AAAS, hein, c'est l'Association for American Advances of Science. Of Science. Oui, parce qu'effectivement, comme je vous le disais, eux sont très nerveux sur ces questions-là. Donc, la Fondation Templeton, qui cherche la crédibilité, s'est dit, je vais vous donner 5 millions, mais à condition que vous organisiez des débats, hein, des conférences sur le dialogue. Parce que, bien sûr, plus on va en parler, mieux c'est. Et les gens vont dire, il y a vraiment un dialogue, puisque l'American Association for the Advancement of Science organise des colloques sur le dialogue. Donc, il y a eu tout un débat aux États-Unis de grands savants qui ont dit, c'est scandaleux, vous donnez de la crédibilité à la Fondation Templeton en vous associant. Et Templeton a compris qu'il fallait s'associer à des structures très prestigieuses. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, la dernière étape de la Fondation Templeton, c'est d'encourager ce qu'elle va appeler la philosophie de la religion, qui est un nouveau mot pour parler de théologie, dans les facultés de philosophie à Oxford, en créant des chaires où on nous parle de l'ontologie de Dieu. Oui, ça y est, c'est reparti. Oui, bien sûr. Donc, alors, on va le décrire rapidement. John Templeton, il fait fortune dans la finance. Il s'installe d'ailleurs direct avec son gros pactole dans un paradis fiscal des Bahamas, charmant jeune homme. Et il croit que science et religion doivent absolument se rapprocher. Donc, il crée cette fondation en 1972. Avec la volonté de, par exemple, définir des progrès dans la religion, c'est très étonnant. Bon, des progrès dans la religion et rapprocher les sciences de la religion, parce que c'est bien qu'elles soient ensemble. C'est sa lubie. Ça nous rappelle qu'on insiste beaucoup sur l'importance de la philanthropie. Mais il faut aussi rappeler, sur le plan sociologique, que la philanthropie, c'est aussi une façon d'imposer dans l'espace public des lubies personnelles au nom de milliards de dollars d'un individu qui peut être gentil, très, très gentil par ailleurs, et que c'est déductible d'impôts. Donc, en plus, on paye une partie des lubies de nos philanthropes. Bien sûr, vous allez dire, c'est mieux un philanthrope qui aime l'astronomie et qui cherche des extraterrestres qu'un philanthrope qui aime la religion et qui veut que la science devienne équivalent de la religion. Mais ça reste des lubies personnelles. Alors, on trouve, il y a un prix, évidemment, qui est incroyablement bien payé, puisqu'il est supérieur au prix Nobel. Et c'est voulu. Parce que C'est voulu parce que c'est dit, si c'est moins que le prix Nobel, ça n'a pas de valeur. Et on sait qu'aujourd'hui, la seule numérique de la valeur, c'est l'argent. Oui. Donc, si vous avez un prix qui a de la valeur, on va dire, il est prestigieux. Pourquoi? Parce qu'il vaut beaucoup d'argent. Templeton, c'est des gens assez intelligents. Ils ont dit, OK, il suffit de mettre notre prix supérieur au prix Nobel et les journalistes vont toujours dire que c'est un prix prestigieux. À chaque fois, je dis, mais qui a déterminé le prestige du prix Templeton? Personne. Mais c'est une tautologie, on dit c'est prestigieux parce que c'est plus que le prix Nobel. Oui, alors, et à vous lire d'ailleurs, j'ai été saisi de confusion, puisque évidemment je connais très bien, comme tous ceux qui s'intéressent à la physique, et en particulier à la mécanique quantique, les livres de Max Jammer, qui est quelqu'un de très très très compétent, de très conséquent, qui est sans débordement spiritualiste quelconque, et qui a été primé, il a reçu le prix pour l'ouvrage. Pour un livre, mais là... Parce Einstein que... et... Dieu et la religion. Einstein et la religion, mais là, c'est le... Parce que la Fondation Templeton, quand même, c'est des tentacules. Il y a le prix de 1,5 million, mais ensuite le prix du meilleur livre sur les rapports science-religion de 10 000 $. Bon, c'est mieux que rien. Et effectivement, il a gagné le prix pour ça. Et là, c'est un beau cas parce que, comme vous l'avez dit, Max Jammer, c'est un philosophe de la physique excellent par ailleurs. Donc, en lui donnant le prix, on montre que... On est sérieux, mais tous les autres prix, c'est des prix qui font la promotion des rapports science-religion. Lui ne le fait pas. C'est un peu comme vous inviter un athée de service pour montrer que vous êtes ouvert dans un lieu où il n'y aura que des croyants convaincus. Alors, parmi ces prix, il y a Bernard d'Espagna pour les Français. Oui, c'est le premier. Et ça, à mon avis, ça montre que... Comme leur but est mondial, c'est de se dire, oui, si on donne juste des prix à des Britanniques, à des Américains, on n'a pas une vision mondiale. Donc, en cherchant un peu, on va trouver des gens dans d'autres pays. Par exemple, chez nous, au Canada, on a donné le prix Templeton au philosophe Charles Taylor, oui, qui en a profité pour dire une petite phrase qui plaît à la Fondation, qui dit que la séparation de la science et de la religion a été un mal pour les deux, sans donner aucun exemple, parce qu'il n'y a aucun exemple que... La séparation de la science de la religion a été un mal pour la science. C'est complètement absurde. Mais ça fait plaisir d'entendre ça et c'est sur le site web de la Fondation. Donc, en cherchant un peu, ils ont trouvé Bernard d'Espagna dans un de ses livres, c'est « Le réel voilé ». Voilé, oui. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière le voile? On le dit pas, mais on le devine. Oui. Enfin, c'est une interprétation qu'on peut caractériser comme, d'une certaine manière, un peu consienne, dans la mesure où derrière ce réel oui, voilé, c'est le il y aurait quelque chose de... Voilà, le voilà. Noumen. Sauf que ça ouvre une lecture spiritualiste que lui, il ne peut pas endosser. Et ça nous rappelle une chose, l'importance des mots. Lorsqu'on a un langage un peu ambigu, on peut ensuite dénier l'interprétation qui en est donnée, mais si on a un langage précis, on peut bloquer des interprétations spiritualistes. Alors, il y a quelque chose qui fait peur aussi dans le sillage de cette fondation, c'est que vous donnez l'information suivante, c'est qu'il y a énormément de facultés de médecine, 90, c'est beaucoup, de médecine aux États-Unis qui offrent des cours sur les liens entre santé et spiritualité. Exactement. Est-ce que c'est encore la main de Templeton? Là? Totalement, totalement. C'est même vrai que, écoutez, je lisais la revue Science ou Nature, parce que comme vous dites, on lit les deux. Il y a trois semaines, il y avait une page complète où ils annonçaient, avec une certaine surprise, que Templeton venait de donner 7 millions de dollars à des biologistes, donc de la recherche scientifique, pour travailler sur quoi? Ben, des théories alternatives à celles de l'évolution. Et il y a plein de biologistes qui ont réagi en disant, mais c'est absurde. Mais le scientifique, vous savez, les intellectuels sont faciles à acheter. C'est un peu comme un âne, vous lui mettez une carotte devant lui et il va aller dans la direction de la carotte. Et la plupart des intellectuels, y compris les scientifiques, c'est pareil. Fait que les trois biologistes se fendaient que oui, ils vont être vraiment scientifiques. Mais c'est une façon de semer le doute en mettant de l'argent sur des problématiques au lieu de dire c'est de la théorie darwinienne. Ah, est-ce que peut-être d'autres choses? On va dire que les théories alternatives sont aussi scientifiques. Voyez-vous, c'est très subtil, cette influence. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, on peut dire qu'il y a une sorte d'annexe, ou en tout cas parallèle, ou en tout cas quelque chose de coordonné dans l'hexagone français. C'est l'Université interdisciplinaire de Paris, dont le sigle est l'UIP. Elle est dirigée par Jean Stone, qui, au passage, a publié un livre climato-sceptique il y a que 2 ou 3 ans, et qui, évidemment, est dans ce courant de volonté d'un dialogue assuré entre science et religion. On peut mettre parmi les gens qui sont donc des militants de cette cause de la spiritualisation du corpus scientifique, pour aller vite, par exemple l'astrophysicien Trinh Tuan Tuan, qui en 89 écrit La Mélodie Secrète, et on peut aussi voir Jean de Dooft, qui lui aussi est prix Nobel, tiens, là encore une malice, d'origine belge, et qui était l'un des co-signataires d'ailleurs d'un papier sur la demande de plus de spiritualité dans les sciences, et qui était un libre à propos publié dans Le Monde il y a 4 ou 5 ans. Oui, donc, exactement, non, il y a tout un courant, et cet institut qui s'appelle le centre, tu sais, l'UIP, l'Université oui. interdisciplinaire de Paris, a eu d'ailleurs des millions de la subvention. Ah bah, on peut les donner, on va le donner parce que ça va être précis. Hein. 1,6 million de dollars entre 2004 et 2007 pour un projet qui s'intitule Science and Religion in Islam. 2 millions de dollars pour un projet avec l'association Le Dialogue Science-Religion. C'est une association qui est trouvée... En Roumanie. Son siège en Roumanie. Et puis 800 000 dollars pour un projet Science and Islam, an Educational Approach. Et ça, c'est un projet qui a été développé donc par l'UIP de 2011 à 2014. Et puis il y a la publication aussi de l'ouvrage de Midal, Guessum, Islam and Science en 2013. Donc là, qui est paru aussi en français. Oui. Donc oui. Il est paru dans les deux langues, subventionné par. Donc voyez-vous, c'est un courant très organisé qui explique la croissance exponentielle du nombre de livres dans lesquels vous avez les mots science et religion, parce que j'ai fait une courbe qui montre que à partir de 80, il y a une croissance exponentielle du nombre de livres, et on peut comprendre lorsque vous avez des millions de dollars, vous en imprimez plusieurs livres qui vous disent que oui, la science et la religion, c'est compatible dans toutes les religions, la religion juive, la religion catholique, la religion chrétienne et l'islam. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion de tout ça, Jean Grasse ? Qu'on peut dire ? D'abord que, évidemment, toute religion constituée a un problème pour accorder de l'autonomie à la réflexion et au travail et à l'investigation de scientifiques qui marchent par des systèmes de causes, des interrogations bien précises avec des théories, qui marchent avec l'hypothèse réfutable, que toutes les vérités ne sont des vérités avérées que l'espace d'un instant et que toutes sont falsifiables, et qu'il y a aussi une universalité de la science. Il n'y a pas de chimie bretonne, voilà. Pas plus qu'il n'y a catholique. Il n'y a pas de géologie bouddhiste. Mmh. Il y a la géologie stricto sensu. Oui, voilà. Exactement. Et l'autre conclusion de cette histoire des rapports sciences et religion qui est passée sous silence dans la majorité des travaux, c'est qu'il ne faut pas confondre la religion comme pratique personnelle, privée, et la science qui est un ouvrage collectif. Et donc, c'est pour ça que je me suis concentré sur les institutions. Il y a plein de savants catholiques aujourd'hui, qu'on pense à l'abbé Lemaître, qu'on pense aux frères Marie-Victorin, qui sont de vrais savants, mais qui ne confondent jamais la science comme institution et leur croyance personnelle. Or, la religion comme institution, soit comme groupe de pression qui veut imposer dans l'espace social ses vues privées, c'est là que le conflit vient. Qu'un individu ait des conflits personnels dans ses croyances, c'est son problème. Donc, la religion est privée, est dans l'espace privé, et la science, par définition, elle est publique. Il n'y a pas d'opinion d'Einstein. Et collective. Elle est collective. Et c'est la fameuse phrase très belle de Bachelard qui disait « L'objectivité est dans l'œil de l'autre ». Pourquoi? Parce que si vous avez une théorie que vous mettez de l'avant, ce n'est pas vous qui décidez qu'elle est vraie, c'est l'ensemble de la communauté. Eh bien, mille merci, Yves Gingras, dans cette sorte d'analyse décortiquante de l'impossible. Dialogue entre science et religion qui est publié aux presses universitaires de France. C'était bien sûr Continent Science. Merci de votre attention et de votre fidélité. Vos remarques et vos critiques restent bien sûr toujours les bienvenues. À la console technique aujourd'hui, Élise Leu. Pour la documentation, bien sûr, Thierry Beauchamp. À la réalisation, Dany Journeau. Stéphane Delisgeorges, Continent Science est balado diffusé. Si vous voulez réécouter cette émission n'importe où, n'importe quand, vous vous reportez au site internet franceculture.fr, à l'émission Continent Science, bien sûr. Vous avez ainsi la possibilité de nous télécharger pendant une grande année. Demain, à la même heure, vous retrouverez René Friedman pour les révolutions médicales. Et encore une fois, bon après-midi, bonne fin d'après-midi sur France Culture.